Le jugement du renard. Un moujik déposa une plainte contre le mouton. Le renard occupait alors les fonctions de juge. Il fit comparaître devant lui le moujik et le mouton, et se fit expliquer le cas. Parle, dit-il au moujik, de quoi te plains-tu? Voici, dit le moujik, l'autre matin, je me suis aperçu qu'il me manquait de poule. Je n'en ai retrouvé que les os et les plumes. Et pendant la nuit, le mouton seul était dans la cour. Le renard, alors, questionna le mouton. L'accusé, tremblant, demanda grâce et protection au juge. « Cette nuit, dit-il, je me trouvais, il est vrai, seul dans la cour. Mais je ne saurais répondre au sujet des poules. Elles me sont d'ailleurs inutiles, puisque je ne mange pas de viande. Appelez tous les voisins, ajouta-t-il, et qu'ils disent s'ils m'ont jamais tenu pour un voleur. » Le renard questionna longtemps encore le moujik et le mouton sur cette affaire, puis il ajouta sentencieusement. Toute la nuit, le mouton est resté avec les poules, et comme les poules sont très appétissantes, l'occasion était favorable. Je juge, d'après ma conscience, que le mouton n'a pas pu résister à la tentation. Par conséquent, j'ordonne d'exécuter le mouton, de donner la chair au tribunal et la peau au moujik.